On va commencer. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 24 dans l'explication du livre الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية écrit par le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raimi du Yémen. Et c'est une critique de la démocratie et en même temps une critique du manhaj de certains parmi les groupes islamiques qui appellent à l'application de l'islam en utilisant le moyen démocratique ou les élections, des trucs de ce genre. Et donc depuis le début de notre dars, on a expliqué depuis les premiers cours que cette méthode n'est pas en accord avec la charia, n'est pas en accord avec l'islam, puis on a donné des preuves et des arguments de ça. Et on a démontré aussi les méfaits de ce système, les méfaits de la démocratie, et on a montré comment c'est en contradiction avec l'islam. Donc on a donné jusqu'à maintenant, on est dans le deuxième chapitre, et on montre des arguments un petit peu plus détaillés que ramènent les gens qui utilisent cette méthode-là pour essayer de justifier la démocratie. Donc on est rendu à l'argument numéro 10. Cet argument-là, c'est quoi? C'est que al-intikhabat min al-masalih al-mursala. Ça, c'est un autre argument qu'ils utilisent. Al-masalih al-mursala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que d'utiliser le moyen de la démocratie pour arriver au pouvoir, pour soi-disant établir l'islam ou un état islamique, ça fait partie des masalih, des intérêts qui amènent le bien pour les musulmans. Hein. Donc, c'est un moyen pour eux qui amène vers le bien, et donc c'est permis de l'utiliser, même si ce n'est pas mentionné dans la charia de façon explicite et directe. Maintenant, on va voir la réponse à cet argument-là, parce que le cheikh, il a bien répondu à ce point-là. Et en même temps, on va voir d'autres choses qui sont reliées à ça, inshallah. Puis tout ce qu'on apprend dans ces points-là, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vrai que ça s'applique, on est en train de parler du contexte de la démocratie, puis de ce système démocratique, mais il faut bien comprendre que ces réfutations qu'on apprend par rapport à ce système-là, ça ne s'applique pas seulement à la démocratie. Ça peut s'appliquer à n'importe quel autre système ou idéologie que des musulmans voudraient utiliser, qui ne fait pas partie des systèmes qui est extrait de la charia ou qui vient de la charia, d'accord? Et puis ça peut s'appliquer donc à beaucoup d'autres idées et à beaucoup d'autres principes. Donc le cheikh il dit « هذه الدعوة مبنية على أن وسائل الدعوة غير توقيفية » وتحقيق هذه المسألة ما قاله عبد السلام بن برجس فذهب الطائفة إلى أن وسائل الدعوة اجتهادية ليست على التوقيف فللداعي أن يختار ما يراه مناسبا من الوسائل التي تحقق الإصلاح والاهتداء للمدعوين ولو لم تكن وسيلة من وسائل الدعوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وبهذا القول يفسر بأحد التفسيرين هذا القول يفسر بأحد التفسيرين بكل واحد من التفسيرين أخذ جماعة التفسير الأول أن يكون من مراد هذا القول أن كل طريق وأسلوب يوصل إلى الغاية وهي إصلاح العباد يصح للداعي أن يسلكه ولو قد ورد الشرع بالنهي عنه ومنع منه ما دام يحقق تلك المصلحة وهذا القول على هذا التفسير هو ما يعرف باعتبار المصلحة التي شهد الشرع بإلغائها وهو قول باطل لأن في اعتبارها مخالفة لنصوص الشرع بالمصلحة وفتح باب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها وما مستند هذا القول إلا القاعدة اليهودية الحاكمة بأن الغاية تبرر الوسيلة ومن أمثلة ذلك bon on va donner des exemples après par la suite. Le chef il dit cette idée que d'utiliser la démocratie ça fait partie des masalih comme ils appellent des masalih al-mursala des intérêts ou des choses qui amènent le bien pour les musulmans en général. Cette idée ou cette da'wah, elle est basée sur l'idée que les moyens qu'on utilise pour faire la da'wah ne se limitent pas au texte de la révélation. Ça veut dire que selon les gens qui utilisent ce principe-là ou cette idée-là, c'est que tu peux utiliser n'importe quel moyen pour arriver à appeler les gens à l'islam, même si ça ne fait pas partie des moyens qui ont été révélés par la révélation, puis tu n'es pas obligé de te limiter à ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna comme moyen pour arriver à ce but-là, pour guider les créatures. Et puis, ça c'est expliqué très bien, ce point-là est très bien expliqué par le Cheikh Abdul Salam ibn Burgess dans un des livres qu'il a écrit. Il dit, il y a un groupe parmi les musulmans qui sont allés ou qui ont pris la direction ou la position que les moyens de da'wah sont basés sur l'ijtihad et qu'elles ne sont pas limitées au texte. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut utiliser sa raison puis arriver avec des analogies pour essayer de justifier certains moyens pour faire la da'wah. Ok? Même s'ils ne sont pas nécessairement mentionnés dans la révélation. Parce que pour eux, le but c'est de faire la réforme dans la société et d'amener les gens qui sont appelés à la guidance. Donc, même si c'est un moyen qui n'est pas révélé, ils disent que, même si c'est pas un moyen que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, de même que les sahaba, alors c'est pas grave. On peut utiliser ce moyen-là quand même pour arriver à notre objectif. Et cette parole-là, ou cette idée-là, elle est interprétée de deux façons, ou elle est expliquée de deux façons. Et chacun de ces, il y a deux positions, comme on a expliqué, puis chacune de ces positions-là a été défendue par un groupe. Okay? Le premier groupe, ils ont pris la première explication, la première interprétation, puis le deuxième groupe, ils ont pris la deuxième explication. Sur le fait que, lorsqu'ils disent qu'on n'est pas obligé de se limiter à ce qui est révélé pour faire la da'wah ou des choses de ce genre. Bon, la première explication, le chef, il dit que, ça c'est la première explication de cette règle, de ce principe-là, c'est que cette parole qui dit que tous les moyens qui sont bons et qui peuvent nous amener à notre objectif de réformer les êtres humains et de les corriger, alors eux ils disent tout moyen qui peut nous amener à cet objectif-là, on peut le prendre et on a le droit de l'utiliser, même si la charia de l'islam est venue interdire ce moyen-là. Hein? Du moment que ça peut nous amener à réaliser notre objectif et à amener du bien, même si ça a été interdit par Allah et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut l'utiliser quand même, parce que ça amène du bien. Et ça c'est qu'est-ce qu'on entend souvent par les paroles ou la bouche de certains individus, qui disent l'important c'est l'esprit de l'islam. Hein? Ils disent c'est pas grave le moyen que tu utilises, l'important c'est l'esprit, il faut respecter l'esprit de l'islam. Donc pour eux, le but c'est le plus important c'est les objectifs que tu veux atteindre. Peu importe par quel moyen tu vas arriver à cet objectif-là. Que ce soit un moyen qui est halal ou haram, c'est pas grave. L'important pour eux c'est d'arriver à l'objectif et au but. Si tu arrives à ton objectif et à ton but, c'est ça qui est important. Et si tu as fait ça, donc ça veut dire que tu as respecté soi-disant l'esprit de l'islam. Et l'esprit de l'islam, c'est soi-disant d'arriver à cet objectif-là et ce but-là, peu importe le moyen que tu utilises. Et le cheikh, il dit, « هذا القول على هذا التفسير هو ما يعرف باعتبار المصلحة التي شهد الشرع بإلغائها وهو قول باطل. Le cheikh dit cette parole-là et cette interprétation-là, c'est qu'en réalité, la charia est venue pour éliminer ce genre de soi-disant maslaha, ce genre de bien soi-disant que les gens prétendent vouloir atteindre. Parce que tout ce qui est bon, en réalité, a été indiqué par la charia et nous a été enseigné, hein, tous les moyens qui sont bons et qui nous amènent vers le bien, nous ont été clarifiés par la charia. Donc, on n'a pas, il n'y a pas un moyen qui peut nous amener vers le bien, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'ont indiqué et nous l'ont montré. Et donc, l'idée qu'on peut arriver à un objectif en prenant un moyen qui est interdit, au contraire à l'islam, ça c'est une fausse parole. Et le cheikh il dit, parce que c'est en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna. Et si on ouvre cette porte, pour soi-disant permettre tous les moyens vers un objectif quelconque, sans prendre en considération les limites et les règles de la charia, alors ça va amener à quoi, à la fin? Eh bien, ça va amener à la destruction complète de la religion. Il n'y aura plus rien dans la religion qui va tenir. Aucune limite, aucune interdiction, aucun principe, aucun texte, plus rien va tenir, parce que c'est basé sur la règle juive, hein, que les juifs ont établie, qui dit que le but justifie les moyens, l'objectif justifie les moyens, hein? By all means necessary, hein? By any means necessary, the ends justify the means, c'est-à-dire tu veux arriver à ton but, tu prends n'importe quel moyen, halal, haram, c'est pas grave, l'important tu arrives à ton objectif. Donc tu veux arriver à établir un état islamique, c'est pas grave quel moyen tu vas utiliser pour l'établir, que ce soit un moyen halal ou haram, c'est pas grave. Le but, on veut arriver à un état islamique, on va prendre n'importe quel moyen, terrorisme, démocratie, coup d'état, n'importe quoi, corruption, hein. Et c'est ça ce que les Ikhwanes sont en train de suivre comme méthodologie. Alors que l'islam, au contraire, comme on va le voir, l'islam nous dit non seulement notre objectif doit être bon, et le but qu'on veut atteindre doit être bon, mais tous les moyens qui vont nous amener à ce but-là doivent eux aussi être bons et en accord avec la charia. Parce que sinon, c'est interdit de les prendre, ces moyens-là. Et c'est ça ce que le cheikh il explique. Et il donne des exemples. Il dit « تجويز الدخول في البرلمانات الكافرة بقصد الدعوة إلى الله تعالى بإصلاح العباد والبلاد ومن المعلوم أن الدخول في تلك البرلمانات هو في حقيقته تضييع لمقاصد الشرع في الضروريات فضلا عن الحاجيات وفضلا عن التحسينيات إذ هو هدم للدين من أساسه وتنازل عن أسمى غاياته وهي تحقيق توحيد الله. قلت فتبين أن الانتخابات النيابية ما هي إلا ثمرة للقاعدة اليهودية السابقة فأين المصلحة المرسلة فيها وقد تقدم ذكر هذا من قبل يعني. Donc le cheikh il dit ici, si on ouvre la porte par exemple pour rentrer dans les parlements qui sont basés sur le kufr, dans le but soi-disant d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et de réformer les hommes et la société et les pays, alors c'est très clair en réalité, c'est bien connu que le fait de rentrer dans ces parlements-là, c'est quelque chose qui va détruire et qui va nous faire perdre les intérêts et les buts de la charia. Dans les choses qui sont des nécessités en premier, et sans parler des hajiyat et des tahsiniyat, c'est-à-dire des besoins et des choses qui sont des perfectionnements ou embellissements qui font partie des principes de la charia. Parce qu'il y a 3 degrés d'objectifs dans la charia. Il y a ad-daruriyat, c'est-à-dire les choses qui sont les nécessités, que l'islam est venu pour les protéger et les défendre. C'est-à-dire, par exemple, la foi, la religion en premier, après la raison, après les biens, après l'honneur, et aussi le cinquième, c'est... En tout cas, il y a 5... la vie, ouais, al-hayat, exact. C'est la religion, la raison, les biens, l'honneur et la vie. Peut-être la vie et l'honneur. Ces 5 choses-là, c'est les choses de base que l'islam est venu défendre et protéger. Et toutes les règles de la charia, si tu les observes et tu les analyses comme il faut, tu vois qu'elles tendent toutes vers la protection de ces choses-là. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle at-daruriyat. Et puis ensuite, par la suite, il y a un autre degré qui s'appelle al-hajiyat, qui sont les besoins. Et puis après, il y a at-tahsiniyat, qui sont des choses, disons, pour améliorer ou parfaire ces choses-là. Mais bon, là, ça, c'est, ça se retrouve dans les livres qu'on appelle les livres de usul ou al-qawa'id al-fiqhiyah. Le troisième, c'est les biens. Ah, al-hajiyat, pardon. Al-tahsiniyat. Ouais. J'ai pas les bons termes pour traduire ces mots-là, mais c'est pas grave pour que vous compreniez le principe seulement. Hein. Et puis, inshallah, peut-être dans les prochains cours, je vous donnerai des exemples plus clairs de ces principes-là. Mais c'est juste pour comprendre que si tu rentres dans la démocratie ou dans le système du parlement ou tout ça, dans le but soi-disant d'établir l'islam puis d'amener la charia, déjà même les daruriyat, les choses de base de la charia, tu peux même pas les respecter en commençant par la religion, puisque la base de la religion c'est quoi? C'est le tawhid. Et toi tu dis que tu veux venir ramener l'islam dans le pays, et que le premier point parmi les daruriyat c'est ad-din, et le principal point de la religion ad-din c'est at-tawhid. Et le fait de rentrer dans le parlement, ça implique que tu dois contredire le tawhid, parce que tu dois dire que tu dois accepter l'idée que quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala peut rendre halal ou haram les choses, c'est-à-dire que les hommes peuvent voter par eux-mêmes pour décider qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est licite et illicite, qu'est-ce qui est légal et illégal. En autant qu'ils sont majoritaires. Donc ça veut dire, si la majorité vont dire, bon ok, le mariage entre homosexuels c'est permis, alors ça va devenir une loi, et puis ça va être permis. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit que c'est haram. Donc dans l'islam, c'est pas une question de majorité ou de minorité. Dans l'islam, c'est une question de, est-ce que Allah l'a interdit ou non. Même s'il y a une personne sur la terre, une seule personne sur toute la terre, une sur 6 milliards qui dit, que de se marier entre homosexuels c'est haram, que de boire de l'alcool c'est haram, ou toutes ces choses-là sont haram, s'il y en a une seule qui le dit, c'est suffisant. Hein? C'est suffisant pour dire que c'est haram. Dans le sens que c'est parce que il le dit parce qu'il se base sur la révélation. Il le dit parce que Allah l'a interdit. C'est pour ça que même s'il est seul, la parole des autres parmi les êtres humains, ça ne compte plus. Puisque la parole d'Allah est au-dessus de la parole de quiconque. Hein? Donc ça c'est important de comprendre ce principe-là. Et c'est pour ça qu'on dit que de rentrer dans les élections, déjà en partant, c'est une négation du tawhid et une négation de la religion de l'islam. Donc comment tu peux prétendre par la suite vouloir venir établir l'islam et la religion de l'islam et le tawhid alors que tu viens avec pour le faire, pour rentrer dans le parlement, tu dois accepter quelque chose qui est en contradiction avec le premier fondement et le premier principe de la religion musulmane. Donc tu viens détruire l'islam, soi-disant pour vouloir rétablir l'islam ou établir l'islam sur la terre. Et ça c'est un compromis que les musulmans n'ont pas le droit de faire. Ensuite, le cheikh il dit qu'en plus c'est basé sur la règle qu'on a expliquée tout à l'heure, qui est une règle d'origine juive, qui dit que lorsque tu veux arriver à ton but, hein, eh bien, tous tes moyens sont bons pour y arriver. Ça, c'est faux. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Hein? Non. Exactement. Ça, on a parlé, on a donné des exemples de ça la semaine passée. Ça, c'est pas permis. Hein? Il y en a qui disent, il y en a qui font ça parmi les ikhwanes. Ils s'infiltrent dans des groupes, ou dans des organisations, ou dans des sociétés. Ils rentrent dans ces systèmes ou dans ces sociétés-là, comme ils se prennent pour des espions, tu vois. Donc ils rentrent à l'intérieur et disent bon, on va rentrer, on va espionner, on va essayer de changer le système par l'intérieur. Et nous, on n'a pas le droit de faire ça puisque c'est contraire à l'islam. Le cheikh il dit التفسير الثاني أن يكون المراد من هذا القول أن كل طريق وأسلوب يوصل إلى الغاية وهي إصلاح العباد يصح للداعي أن يسلكه بشرط عدم ورود إلغائه في الشرع. والقول على هذا التفسير هو ما يعرف بالمصالح التي سكتت عنها الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتبارها ولا بإلغائها. قلت فتبين من هذا الفرق الشاسع بين الانتخابات وبين المصالح المرسلة، وذلك أن النظام الانتخابي ينطبق أو نعم ينطبق على التفسير الأول فقط، وعلى التسليم جدلا بأنه ينطبق على التفسير الثاني، فتحقيق ذلك أن يقال. On va continuer la suite. Le cheikh il dit que la deuxième explication par rapport à qu'est-ce qu'on a expliqué à cette, par rapport à cette règle, qu'est-ce qui a rapport avec al-masalih al-mursala, la première interprétation on l'a vu, c'est que tous les moyens sont bons pour arriver à un but. Et ça on a dit que c'était faux. La deuxième explication c'est quoi? C'est que tout moyen qui nous amène à un but, pour arriver par exemple à réformer la société ou réformer les êtres humains, il faut qu'il soit, on a le droit de l'utiliser, mais à condition qu'il soit, qu'il ne soit pas en contradiction avec la charia. D'accord? Donc ça c'est la deuxième interprétation, et celle-là c'est l'interprétation qui est correcte. C'est-à-dire, tu as le droit d'utiliser un moyen pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et pour réformer la société, mais à une condition. Et cette condition-là, c'est que l'islam n'est pas venu pour l'interdire, ce moyen-là. Ou n'est pas, que ce moyen-là n'est pas en contradiction avec le Coran et la Sunna. D'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est permis de l'utiliser, et c'est ça ce qu'on appelle al-masalih al-mursala. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu dans la charia quelque chose qui vient l'interdire ou quelque chose qui vient le supporter. Sauf que, disons, la charia s'est tue à son sujet. Mais il n'est pas en contradiction avec un principe de la charia. Non. Le fait de sortir dans les métros pour donner les pamphlets, il y a un problème avec ça. Et l'autre jour, malheureusement, j'ai été témoin de ça, et vraiment, j'ai constaté que c'était pas une bonne méthode. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis arrivé à la sortie du métro Guy Concordia, et je regarde par terre, c'était rempli de pamphlets sur l'islam, avec le nom d'Allah écrit et tout. Et les gens, ils marchaient là-dessus, ils piétinaient sur ça et tout. Alors là, j'ai essayé d'en ramasser le plus que je pouvais. Mais quand j'ai regardé à l'intérieur, c'était un pamphlet écrit par les chiites en plus. Donc je me suis dit, non seulement c'est un pamphlet fait par les chiites, mais deuxièmement, en plus de ça, ils le passent dans le métro et les gens le jettent par terre. Vous savez, les gens, ils rentrent dans le métro, ils sortent du métro, ils prennent un pamphlet et le jettent. C'est ça. Donc, ça, c'est pas la bonne méthode pour donner la da'wah si tu veux donner la da'wah aux gens. Si tu veux donner des pamphlets, tu les donnes soit par exemple dans un endroit où les gens vont être capables de s'asseoir pour le lire, ou bien un endroit où les gens vont le prendre, ils vont le mettre dans leur sac ou dans leur poche ou quelque chose, mais pas dans un endroit où ils vont juste passer puis ils sont même pas intéressés, ils vont le jeter. Ou bien la meilleure da'wah, c'est au contraire, tu mets une table et tu présentes à cette table des documentations, puis ceux qui sont intéressés, ils viennent voir, ou bien tu leur parles, tu leur expliques verbalement les règles de l'islam, tu leur donnes pas juste un pamphlet pour dire, bon, lis ça, puis tu le laisses en aller, mais tu lui parles, s'il a du temps, pour lui expliquer qu'est-ce que c'est l'islam, pour lui demander s'il a des questions et tout, là tu lui expliques. Puis, si tu vois vraiment qu'il est intéressé, il va te demander, ou bien tu vas lui offrir une brochure, une documentation. Là, il va le prendre, et là, tu sais qu'il va pas le jeter par terre. Mais si c'est juste que tu vois des gens comme ça qui passent, puis tu leur donnes un pamphlet en passant comme ça, vite, vite fait, ils le prennent et le jettent par terre. Ça, c'est pas le respect. On n'a pas le droit de mettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire en sorte que les gens vont lui manquer de respect puis la rabaisser. Ah oui, les gens ils les jettent dans les poubelles, les jettent n'importe quoi. Pour les noms, les choses qui ont les noms d'Allah dedans, où il y a des endroits spéciaux pour mettre les papiers où il y a les noms d'Allah dedans. Ouais, en Arabie Saoudite. Oui, c'est ça. En Arabie Saoudite, il y a ça. Même en université, il y avait des endroits spécifiques pour jeter ces choses-là. Donc ça c'est une explication par rapport aux moyens qu'on doit prendre pour faire la da'wah. Il ne faut pas qu'ils soient en contradiction avec la charia. Le cheikh dit ensuite, فَتَبَيَّنَ مِنْ هَذَا الْفَرْقَ الشَّاسِعِ. Donc on peut voir clairement, dans cette explication-là qu'on a donnée, la différence énorme qui existe entre les élections et les qu'est-ce qu'on appelle al-masalih al-mursala. Il n'y a pas de comparaison entre les deux, c'est deux choses totalement différentes. Ok, al-masalih al-mursala, c'est des choses qui sont pas interdites en elles-mêmes, qui ne sont pas en contradiction avec la charia, puis qui amènent un bien. Et pour vous donner un meilleur exemple de al-masalih al-mursala, c'est comme par exemple les feux de circulation dans la rue. Ok, les feux de circulation, c'est pas quelque chose qui est mentionné dans la charia, qu'on doit faire des feux de circulation pour contrôler la circulation dans la rue. C'est pas mentionné, est-ce que c'est halal ou haram, hein. Sauf que, y a rien qui l'interdit dans la charia, et c'est quelque chose qui amène du bien. Parce que ça fait en sorte que ça va éviter des accidents, puis que ça va faire en sorte aussi que les gens vont avoir une meilleure conduite, ainsi de suite, puis ils vont faire moins de problèmes dans la rue. Mais maintenant il y a des gens qui vont dire ça c'est pas mentionné dans le Coran et dans la Sunna, donc je suis pas obligé de respecter les feux de circulation. Non, ça c'est faux, parce que de toute façon c'est un système que le dirigeant a fait implémenter dans un pays. Et donc, du moment que le dirigeant ordonne aux musulmans de suivre et de respecter quelque chose, et que c'est pas quelque chose qui est en contradiction avec la charia, et que ça, donc dans ce cas-là, on est obligé de le faire. On est obligé de le respecter. Et on peut pas dire que ça fait partie, que c'est une bid'ah dans la religion, puisque c'est pas un acte d'adoration. Hein, ça fait partie des choses de la dunya. Et c'est juste pour organiser plus facilement notre dunya. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est interdit, puisque ce n'est pas en contradiction avec la charia, et c'est quelque chose pour le bien. Donc on doit respecter ça. D'accord? Et ça fait partie de al-masalih al-mursala. Toutefois, la démocratie ne rentre pas dans al-masalih al-mursala, parce qu'il y a des preuves que c'est quelque chose qui est en contradiction avec la charia. Hein? Donc on ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer al-masalih al-mursala et la charia et la démocratie, parce que il y a une grande différence entre les deux. Et le cheikh, il donne encore plus de clarification à ce sujet-là en mentionnant une parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cette citation-là de l'imam Ibn Taymiyyah est tirée de son livre, c'était tiré de Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim. Donc il dit, le cheikh ici, قال ابن تيمية رحمه الله: فكل أمر يكون المقتضى لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة. أما ما حدث المقتضى بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة. Donc ça c'est un point important que vous devez vous souvenir. C'est que Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit, toute chose qui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait eu un besoin de l'appliquer, et qu'il y aurait eu un bienfait de le faire, et que c'était possible à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on le fasse, mais qu'il ne l'a pas fait, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de bien dedans. Ce n'est pas une maslaha. Toute chose qui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le besoin de cette chose-là était présent, okay, et que c'était quelque chose de possible de le faire, et qu'il existait à ce moment-là, puis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, alors dans ce cas-là, c'est pas une maslaha, c'est pas quelque chose de bien. Mais attends, attends une minute. Amma ma hadath al-muqtada ba'da mawtihi. Toutefois, si le besoin de cette chose-là est arrivé, est venu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ce besoin-là, il n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est apparu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la révélation. Et que ça n'implique pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de contradiction avec la révélation là-dedans. Dans ce cas-là, ça peut, il se peut que ce soit un bien. Il se peut que ce soit un bien. Et, ouais, on va revenir. Attends. On va y revenir à cette question-là, Inch'Allah. On va y revenir à ça, cette notion de porte ouverte, Inch'Allah. Mais il y a juste le point que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que la démocratie, elle existait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça vient des Grecs, et les Grecs, ils étaient là, les Grecs, quand ils appliquaient leur système démocratique à Athènes, c'était même avant Jésus, hein, alayhi salam, c'était avant Isa, alayhi salam. Donc ça veut dire que c'est un système qui existait depuis très très longtemps, et malgré ça, on n'a jamais entendu aucun des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala appeler à ce système. Ni Ibrahim, ni Moïse, ni David, ni Suleyman, ni Isa alayhi salam, ni Moussa, aucun prophète, hein, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre les prophètes n'ont jamais utilisé ou appelé à ce système-là. Donc ça indique clairement que si il y avait le besoin de l'utiliser et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en aurait eu besoin à son époque, hein, il aurait eu la possibilité de l'utiliser, mais il ne l'a pas fait. Donc ça prouve que c'est pas un bien. Il n'y a pas de bien là-dedans. D'accord? Et donc, ça nous fait comprendre que comment des gens dans ce cas-là peuvent venir par la suite puis nous dire on va utiliser la démocratie. On voit tout de suite que c'est une contradiction. Ce qui concerne les questions de portes ouvertes, d'après ce que je constate, wallahu a'lam, mais il semblerait que ça là c'est quelque chose qui vient des koufars, les portes ouvertes. Parce que c'est eux qui font ça, les portes ouvertes. Et puis, d'une certaine façon, c'est pas mauvais de permettre à des, par exemple, à des non-musulmans de venir voir à la mosquée, qu'est-ce qui se passe, puis de leur donner la da'wah à l'intérieur de la mosquée, ça c'est correct. Wallahu a'lam. Mais, il faut pas que ce soit fait juste pour un truc, comme une sorte de musée, comme tu dis là, que les gens ils viennent pour regarder. Il se passe ça dans certains pays musulmans, où il y a des mosquées qui sont devenues comme des musées. Ils pratiquent presque pas les prières dans ces mosquées-là, c'est juste les gens viennent voir l'architecture et des trucs comme ça. Il y a une mosquée à Paris, qui s'appelle la mosquée de Paris en fait, et dans cette mosquée-là, vous avez des gens qui rentrent et puis ils viennent prendre du thé, puis des non-musulmans, des musulmans et des non-musulmans qui rentrent là-bas, ils vont, ils prennent le thé, d'après ce que certaines personnes m'ont raconté, ils vont même fumer le chicha là-bas, et des trucs de ce genre. Les femmes rentrent sans voile, et puis, tu sais, c'est comme eux, ils veulent montrer, soi-disant, l'ouverture de l'islam. Hein? Mais il n'y a pas de doute que ce sont des gens qui sont sur la tendance des soufis, hein, et qui suivent la voie des Ikhwan. Et quand je suis allé dernièrement, cet été, je suis allé faire un tour là-bas juste pour voir, et j'ai été à la librairie qui est juste en face. Et j'ai trouvé là-bas tous les livres de Bid'a et de Soufia, d'égarement, qui se vendaient dans cette librairie-là, qui est juste en face de la mosquée. Donc c'est pour dire, ça nous indique un petit peu la tendance des gens de la mosquée là-bas. Hein? Wallahu al-musta'an. On reviendra à ça peut-être une autre fois, Inch'Allah. Le Cheikh dit, « Inna al-muqtata, de fi'l al-taswitat, wa akhd ra'y al-aghlabiyya, kana mawjoudan fi ahl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa lam ya'mal bihi. Famin amthilat zalik. » Donc le Cheikh, il va nommer des exemples. Il dit, le besoin, hein, de prendre les opinions ou les voix de chaque personne, et de prendre l'opinion de la majorité, il existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il donne des exemples de ça dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris l'opinion de la majorité. On en a mentionné déjà dans les cours précédents de ça, et le cheikh il en énumère quelques-unes, je ne vais pas les énumérer, les lire toutes, juste pour vous donner un résumé. Il donne l'exemple de Al-Hudaybiyya. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'entente avec les mouchriquines pour faire la paix, hein, pendant 10 ans. C'est seulement Abu Bakr qui était d'accord avec ça au début, et qui a supporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dedans. La plupart des sahaba, eux, ils étaient contre cette entente-là, cette entente de paix. C'est juste par la suite que les musulmans ont compris, par la suite, beaucoup de musulmans par la suite ont compris puis ont accepté cette entente-là. Ensuite, l'autre exemple que le cheikh il mentionne, c'est l'exemple du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis à la tête d'une de ses armées, Usama ibn Zayd. Et il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord avec le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis Usama ibn Zayd à la tête. Parce qu'il était jeune, hein, c'était un jeune, un adolescent, il y a 18 ans, hein, 17-18 ans. Donc c'est pour dire qu'il était jeune, les gens disaient pourquoi pas prendre quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, il a insisté pour qu'il soit à la tête de cette armée-là. Hein? Donc ça c'est un exemple. L'exemple aussi, Allah musta'an. Il n'y a pas de comparaison, hein. Regarde, il y a l'exemple par la suite du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était parti, justement à l'occasion de Al-Hudaybiyah, lorsqu'il avait amené leurs animaux, puis qu'ils voulaient aller pour faire l'Amra, puis ils ont été arrêtés en chemin, puis ils n'ont pas pu continuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de dégorger ou de sacrifier leurs animaux, puis de raser leur tête. Il leur a dit trois fois de le faire, mais ils ne voulaient pas le faire. Et c'est par la suite que sa femme, Umm Salama, radiallahu anha, lui a dit, fais-le toi en premier, et puis ils vont te suivre. Et donc c'est ça ce qu'il a fait, et puis par la suite, ils l'ont suivi. Donc ça c'est pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas suivi l'opinion de la majorité des sahaba qui ne voulaient pas le faire. Hein? Ensuite, il a donné l'exemple d'Abu Bakr, qui a décidé d'envoyer l'armée de Usama ibn Zayd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait envoyer avant sa mort. Tous les sahabas s'opposaient à ça, et la grande majorité des sahabas s'opposaient à le fait d'envoyer cette armée-là, et ils disaient non, il y a les Arabes qui ont rejeté l'islam, et ainsi de suite, certains bédouins qui ont refusé de payer la zakat, il faut les combattre en premier avant de s'attaquer aux non-musulmans. Et Abu Bakr Siddiq a dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déterminé et décidé à envoyer l'armée de Usama, alors moi je vais envoyer l'armée de Usama. Je ne vais pas retenir ou changer une décision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prise avant sa mort. Et donc il l'a envoyé malgré l'opinion de la majorité. Donc c'est pour vous faire comprendre en fait que ce n'est pas vrai que dans l'islam on doit prendre l'opinion de la majorité. Et tout le temps. Ça, c'est juste quelques exemples que le cheikh a mentionnés, mais il y en a beaucoup d'autres exemples que ça. Le cheikh dit « ثم حارب أهل الردة ومانع الزكاة وقد كان معظم الصحابة بما فيهم عمر بن الخطاب يخالفون هذا الرأي. » Ensuite, Omar Abu Bakr Siddiq, il a même combattu les Arabes qui avaient apostasié ou qui avaient refusé de payer la zakat. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et beaucoup d'autres sahaba, ils n'étaient pas d'accord avec Abu Bakr là-dessus. Ils disaient, mais comment tu peux combattre des gens qui ont dit la ilaha illallah, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, et ainsi de suite. Donc, Abu Bakr se dit, il a dit non, la zakat fait partie des droits de l'islam, et donc celui qui refuse de la payer, il n'a pas respecté les droits de l'islam, et donc je dois les combattre. Hein. Et il a continué à être sur cette position-là jusqu'à ce que les autres sahaba soient d'accord avec lui, puis après ils ont combattu les apostats. Khulafa Rashidun. Exactement. Donc c'est ça. Donc ça c'est l'exemple. Et après il donne un autre exemple. Il dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il n'a pas dit on va faire une élection. Ceux qui sont la majorité, on va suivre l'opinion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça, il n'a jamais fait ça non plus. Et Abu Bakr Siddiq, après lui, n'a jamais fait ça. Et comme le frère musulman il vient juste de mentionner comme exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Suivez ma sunna et la sunna de mes khulafa rachidin, de mes successeurs bien guidés. » Et l'exemple d'Abu Bakr Siddiq, il fait partie des khulafa rachidin, il fait partie des successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont bien guidés. Et donc, on doit suivre cet exemple-là aussi, du fait qu'on n'est pas obligé de suivre la majorité. on peut parfois suivre la majorité si on considère que c'est la bonne position, que c'est la vraie position dans certaines questions qui font partie des questions du jihad ou des questions qui ne sont pas reliées à des textes qui sont spécifiques et clairs sur une question. Quelqu'un peut dire, bon, dans ce cas-là, oui, l'opinion de la majorité, le dirigeant peut dire, l'opinion de la majorité, c'est elle qui est plus correcte, donc je vais l'accepter. Mais sinon, il n'est pas obligé, il n'est pas comme forcé de prendre l'opinion de la majorité, contrairement à ce que certains prétendent. Ensuite, le cheikh, il dit, إن الأمثلة على ما تقدم كثيرة، فمن أراد الحق يكتفي بدليل واحد، أما المماري بالباطل فلو جئته بأدلة أوضح من وضوح من ضوء النهار فلن يعقلها، ولقد أحسن من قال ليس يصح في الأذهان شيء إذ احتاج النهار إلى دليل. Donc le cheikh dit, tu peux ramener plein de preuves, on peut ramener plein de preuves, des exemples comme ça. Mais celui qui veut la vérité, il est satisfait d'un seul exemple, parce que les preuves sont claires. Mais celui qui veut juste disputer puis défendre la fausseté, le mensonge, même si tu lui amenais toutes les preuves qui sont plus claires que la lumière du jour, il ne va pas la comprendre. Et c'est pour ça qu'il mentionne les paroles d'un poète qui dit « Laysa yassihu » في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. Si le jour a besoin d'une preuve pour montrer que c'est le jour, si tu as besoin d'une preuve pour prouver à quelqu'un que c'est le jour, alors dans ce cas-là, il n'y a plus rien de logique qui tient dans l'esprit de quelqu'un, puisque c'est clair. Ouais, si le jour a besoin d'une preuve, alors il n'y a plus d'autres choses qui peuvent être acceptées rationnellement dans la tête de quelqu'un, hein, dans l'esprit de quelqu'un. Donc, le cheikh il dit, toute parole, ومن أحسن من قرر ذلك وبسطه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال من المعلوم أن الدين له أصلان فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ما حرمه الله والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله وشرعوا دينا لم يأذن به الله. دونك الشيخ الذكر يعني qu'est-ce qui est vrai et qui est supporté par les preuves, c'est que les moyens pour faire la da'wah sont limités par la révélation, et on ne peut pas dépasser qu'est-ce qui est rapporté par la révélation. Et parmi les personnes qui ont le mieux clarifié ce principe-là, c'est Ibn Taymiyyah, qui l'a clarifié dans Majmu' al-Fatawa, le volume 11 à la page 631. Il dit que c'est connu de la religion, que la religion est basée sur deux fondements, deux bases. Et donc la religion, il n'y a pas de religion excepté ce que Allah a légiféré et ce que Allah a révélé. Et il n'y a pas rien de haram excepté ce que Allah a rendu haram. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les mouchriquins parce qu'ils ont interdit ce qu'Allah n'a pas interdit et qu'ils ont légiféré et ordonné ce que ils ont légiféré comme religion ce que Allah n'a pas permis. Et donc ça c'est l'égarement, tu vois, c'est ça. Il y a deux bases dans la religion. Ouais, de l'islam. C'est que ce qui est légiféré et ordonné, c'est ce que Allah a ordonné. Et ce qui est haram, c'est ce que Allah a rendu haram. Donc celui qui veut essayer de rendre haram ce que Allah n'a pas rendu haram, il a renié une de ses bases. Et celui qui veut légiférer ou ordonner quelque chose que Allah n'a pas ordonné, il a détruit l'autre base. C'est-à-dire que tu ne veux pas déclarer haram ce qu'Allah a rendu haram, ou bien tu veux rendre haram ce qu'Allah n'a pas rendu haram. Mais tu veux rendre tu rends quelque chose qui est halal, quelque chose qui est, comme il dit ici, tu veux interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. C'est ça la première base. Là, tu veux interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Ce qui est halal, tu veux le rendre haram. Et l'autre, c'est que tu veux ordonner, qu'est-ce qu'Allah n'a pas ordonné. Tu veux le rendre obligatoire alors qu'Allah n'a pas ordonné cette chose. Ça, c'est contraire à la religion. Ensuite, il cite les paroles de Cheikh Ibn Baz, de l'Aziz Ibn Baz, il dit « Man arada salah al-mujtama' al-islami, ou salah al-mujtama'at al-ukhra, fi hadhihi ad-dunya, bighayri at-tariq wal-wasa'il wal-awa'il, allati salaha biha al-awwaluna faqad ghalat, wa qala ghayru al-haq, falaysa ila ghayri hadha sabil. Wa innama as-sabil ila islah an-nas, إقامتهم على الطريق السوي وهو السبيل الذي درج عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صحابته الكرام ثم أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا وهو العناية بالقرآن العظيم والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما ونشرهما بين الناس عن علم وبصيرة وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكام في العقيدة الأساسية الصحيحة. Donc le cheikh il dit ici dans les paroles de Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, il dit celui qui veut réformer la société islamique ou bien qui veut réformer les autres sociétés dans ce monde, il doit, et qu'il veut le faire par une autre que la voie qui est rapportée dans le Coran et dans la Sunna, en utilisant d'autres moyens et d'autres astuces ou d'autres moyens pour arriver à réformer, c'est-à-dire il veut réformer la société par autre chose que ce que Allah a révélé, et qu'il veut réformer par autre chose que ce que les premiers musulmans ont utilisé, alors il est dans l'erreur. Et il est sur autre chose que la vérité. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie pour réformer la société, excepté cette voie-là que les premiers musulmans ont suivi. Si tu veux réformer les hommes. Tu vois, et si tu veux établir les gens sur la bonne voie et la voie qui est droite, eh bien, tu dois suivre la voie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suivi, de même que les sahaba, puis ceux qui les ont suivis, de la meilleure façon, jusqu'à notre époque. Et c'est de s'occuper de l'étude du Coran et de s'occuper de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'appeler les gens à ces deux choses-là, au Coran et à la sunna, hein, et d'appeler les gens à cette voie-là. Et d'apprendre et d'étudier cette religion-là comme il faut et de la répandre et de les répandre ces principes-là et ces deux bases-là, le Coran et la sunna, parmi les hommes avec connaissance, avec compréhension et pour clarifier aux hommes qu'est-ce que ces deux principes-là, ces deux bases-là, le Coran et la Sunna, ont ramené comme règles, comme croyances qui sont bonnes et qui sont fondamentales et qui sont correctes pour les amener au droit chemin. Ça, c'est mentionné dans le volume 1 de Majmu' al-Fatawa de Ibn Baz à la page 249. Après le Cheikh, il dit « وقال الشيخ بكر أبو زيد فالدعوة تتكون من وسيلة وغاية فحقيقة الدعوة الغاية توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها والأصل في وسائل نشر الدعوة كذلك التوفيق على منهج النبوة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قلت ومن أراد بسط القول في هذه المسألة فلينظر كتاب الشيخ عبد السلام بن برجس الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية فقد أجاد وأفاد فجزاه الله خيرا لشيخ الذكر بكر أبو زيد الإكسليكي سبحانه aussi du fait que les moyens de la da'wa sont limités à la révélation et qu'on n'a pas le droit d'inventer des nouvelles manières pour faire la da'wa ou des nouvelles méthodes à suivre pour ramener les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il explique que Bakr Abou Zayd il a dit cette da'wa elle est composée de deux choses, le but, l'objectif et les moyens qui nous amènent à cet objectif-là. D'accord? Donc, la réalité de notre da'wa, c'est en réalité le but qu'on essaie d'atteindre. Hein? Et ça, c'est basé sur les textes. On ne peut pas sortir des textes pour comprendre ça. C'est uniquement basé sur le Coran et la Sunna. Il n'y a pas d'ijtihad possible. Il n'y a pas d'analogie ou de logique qui peut nous montrer ça ou nous aider à ça. C'est-à-dire, pour appliquer le but de l'adoration d'Allah et le tawhid, c'est uniquement par la révélation qu'on peut le connaître et le comprendre et le faire. Donc ça c'est le but, l'objectif. Ensuite, il y a les moyens pour y arriver. Et le cheikh nous dit qu'à la base, les moyens pour transmettre cette da'wa sont également limités au manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à ce sujet-là que celui qui invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, cette chose-là sera rejetée. Et dans une autre narration, il dit quiconque fait une chose qui ne fait pas partie de notre religion, alors elle sera rejetée. D'accord? Donc ça c'est par rapport à des gens qui amènent des innovations et des choses qui ne font pas partie de la sunna. Ensuite, le cheikh dit, celui qui veut avoir plus de détails à ce sujet-là, il peut lire le livre du cheikh Abdul Salam ibn Burjas qui s'appelle Al-Hujaj al-Qawiyya ala anna masail al-da'wa tawqifiyya. Dans ce livre-là, il a expliqué que les moyens d'établir la da'wa doivent se limiter à ce qui est mentionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être, Inch'Allah, il est prêt. Il se trouve sur Internet, je l'ai vu déjà le livre. Al-Hujaj al-Qawiyya. Non, ça n'a pas avec les moyens pour faire la da'wa. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a qui utilisent toutes sortes de moyens pour faire la da'wa, puis souvent, c'est des moyens qui sont contraires à l'islam. C'est comme, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui dirait, bon, on veut amener des gens à l'islam, donc on va faire un spectacle de musique, puis on va aller dans une discothèque, on va aller danser avec les gens, puis on va leur donner des da'wa dans la discothèque. Ou bien on va faire un groupe de musique pour parler de l'islam, pour guider les gens à l'islam. Hein? Ou bien on va faire des films ou du théâtre islamique. Hein? Ou bien on va faire de la musique islamique, ou des trucs de ce genre. Donc ça, il y a des gens maintenant qui font ça, et ils pensent qu'en faisant ça, ils vont ramener des gens à l'islam. Et que ça, c'est une méthode acceptable dans la religion. Alors que c'est contraire à l'islam, puisque ça implique toutes sortes d'interdictions. Hein? Il y a des soeurs, par exemple, qui disent, ah, mais je vais parler avec des hommes koufars, hein, dans la rue, ou à l'école, au travail, je vais mélanger avec les hommes, puis je vais leur parler, puis je vais faire ça dans le but de les amener à l'islam. Hein? Et souvent, on a des exemples de ça, de sœurs qui, par exemple, sont soi-disant tombées amoureuses d'un kafir et qui veulent leur faire la da'wa. Donc, elles disent, ouais, mais si je fais pas da'wa, alors ça veut dire que j'amène personne à l'islam, donc j'aurai pas la chance de faire la da'wa. Non, tu peux faire la da'wa avec les femmes. Mais tu peux pas aller te mélanger avec les hommes puis dire je vais faire la da'wa avec les hommes puis amener les hommes à l'islam. Hein? Sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire on va commencer à utiliser les femmes pour faire la da'wa. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement, ça c'est les ikhwan, le manhaj des ikhwan. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, lorsqu'il voulait faire la da'wa aux mouchriquins, il leur envoyait des femmes? Hein? Est-ce qu'il envoyait des émissaires femmes pour dire aux hommes mouchriquins de devenir musulmans? Hein? Bien entendu, il ne faisait pas ça. Le rôle du musulman, au contraire, c'est de protéger les femmes et d'empêcher justement de les mettre dans les regards et la portée des mouchriquins. Non. Mais la femme, elle peut faire la da'wa par exemple avec les autres femmes chez elle. Hein, à la maison, hein? Si elle a du ilm, si elle a de la connaissance. Non, mais c'est pas. Non, je veux dire, les ulama, ils ont parlé. La femme aussi, elle doit ordonner le bien, interdire le mal, faire la da'wa, mais dans son contexte à elle. Elle doit pas dépasser les limites de qu'est-ce que la charia a permis. Hein? Commencer à dire, je vais faire da'ya, je fais une da'wa. Parce qu'il y a des, ikhwan maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des conférences avec des speakers, des conférenciers femmes. Hein? Et la femme elle se met en avant puis elle parle. Hein? Oui, c'est ça. Et, non, ils font ça. Dernièrement, justement, là, dans la conférence à Toronto qu'ils ont fait, dans une des conférences des Muqtadi'a, ils ont invité, soi-disant, une actrice égyptienne qui a soi-disant décidé de porter le hijab. Puis maintenant, ils l'ont invité pour s'adresser à tout le monde devant les hommes. Non. C'est pas ça. L'année passée, c'était une chrétienne, une femme qui n'est pas musulmane, qui était venue pour parler de ça. Pour parler de ce sujet-là, mais pas elle-même qui était une de ces gens qui fait ça. Elle, c'était une, soi-disant, une, je sais pas, elle était quoi. En tout cas, elle était venue parler de ce sujet-là, puis c'est une femme qui n'est même pas musulmane, pas voilée, rien du tout, pour venir parler aux musulmans, soi-disant. Donc, c'est pour vous dire, la mentalité et l'idéologie de ces gens-là, c'est contraire à la sunna. Et c'est pour ça que des fois, quand on parle avec ces gens-là, et qu'on leur dit, il faut suivre la sunna, eux ils disent, ouais mais nous on suit la sunna. Parce que eux, quand on dit sunna à ces gens-là, eux ils pensent que sunna c'est comme faire ce qui n'est pas obligatoire après la prière, par exemple tu vas faire 2 rakats, hein, oui, ou bien tu vas utiliser par exemple le miswak, tu vas par exemple faire le tasbih avec les doigts, là ils disent, ah ça c'est la sunna, donc nous on pratique la sunna. Mais la sunna c'est beaucoup plus large que ça et ça a un sens beaucoup plus global que ça. Quand tu dis la sunna, ça veut dire suivre la sunna en général dans le sens le manhaj et la aqidah, et que tu t'opposes à tout ce qui s'oppose à ce manhaj là. Hein? Il y a plusieurs. Mais bon, on veut juste faire comprendre que suivre la sunna c'est pas juste de dire tu vas faire certaines petites actions qui sont pas nécessairement obligatoire de faire dans l'islam, puis que ça c'est la sunna, non. Ok, donc on a clarifié ce point-là à propos de al-masalih al-mursala. Maintenant on va répondre à une autre shubha que ces gens-là utilisent souvent. C'est l'argument qu'ils disent que Yusuf alayhi salam, il a fait partie de, il a accepté de prendre une position de dirigeant en Égypte à l'époque du pharaon, alors que c'était pas un système islamique. Et ça prouve qu'on peut changer le mal de l'intérieur, soi-disant. Donc ça, c'est une de leurs choubouhats. Maintenant, le cheikh, il explique, il dit, « Istidlaluhum bifi'l Yusuf, alayhi salam, indama dakhala tahta al-hukm al-kafir, wa aslaha min al-dakhil, fa kadhalika al-dukhul fi l'intikhabat, fa innana idha dakhalna fiha, aslahna min al-dakhil. » Donc c'est ça, ils disent que Yusuf alayhi salam, il a accepté de rentrer dans le système du pharaon, qui était un système de coffre, mais quand même il est rentré, il a pris une position, puis il jugeait et il organisait les affaires pour changer le système de l'intérieur, soi-disant. On va voir maintenant la réponse à ce sujet-là. Le cheikh il dit إِنَّمَا يَخْتَصُ بِالْإِصْلَاحِ مِنَ الدَّاخِلِ قَدْ تَقَدَّمَ الرَّدْ فِيهِ قد تقدم الرد عليه في الشبهة التاسعة. أما ما يختص بقصة يوسف عليه السلام عندما قال اجعلني على خزائن الأرض، فالجواب أن يقال هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ وعلى التسليم بذلك فهل دخولكم في الانتخابات كقصة يوسف؟ حاشا وكلا. وذلك من وجوه لشيخ ابن يما. Il dit, en ce qui concerne la question de faire la réforme par l'intérieur. Walaykum salam, akhi. Aina, wa samedi, bismillah. Donc, le chef dit, en ce qui concerne le fait de vouloir faire la réforme à partir de l'intérieur, on a déjà réfuté cette choubra dans le point numéro 9. Mais en ce qui concerne l'histoire de Yusuf, alayhi salam, lorsqu'ils disent que Yusuf a dit, dans le verset 55 dans Surat Yusuf, donne-moi la responsabilité de m'occuper des réserves de la terre, des récoltes et tout, je vais m'en occuper. Ça, le cheikh il répond à ça. Il dit la réponse à ce sujet-là, c'est premièrement, la question de est-ce que la charia des peuples qui vivaient avant nous, est-ce que c'est également une charia pour nous ou non? Ok? Et supposons que oui, dans ce cas-là, on peut dire, est-ce que le fait de rentrer dans les parlements, c'est comparable à l'histoire de Youssouf alayhi salam? Le cheikh dit, certes non, pas du tout. Il n'y a aucune comparaison et ça c'est prouvable de plusieurs points de vue. Et on va les mentionner et les énumérer un par un. Non. Est-ce que la charia d'avant, est-ce qu'il est une charia pour nous aussi? Ça c'est une question qui est souvent mentionnée dans les livres de Usul al-Fiqh. Est-ce que shar'u man qablana, est-ce que la révélation des autres peuples avant nous, est-ce qu'elle est aussi une des, est-ce que ces règles-là de ces peuples-là s'appliquent également à nous? Il y a un principe, justement, on en a parlé dernièrement dans le cours de Shar Hadith Jibril, on a parlé de ça lundi passé, et les ulama, il y en a des ulama qui ont dit non, il y en a des ulama qui ont dit oui. Mais en principe, le cheikh Ibn Uthaymin disait que la position qui est celle qui est correcte, c'est que oui, la charia des peuples qui sont là avant nous, elles sont une charia pour nous aussi, si elles ne sont pas en contradiction avec ce qui est révélé pour nous. D'accord? Si c'est pas en contradiction, ça reste pareil, dans ce cas-là, c'est une charia pour nous dans ce cas-là. Ok? Mais, donc le cheikh dit, supposons que c'était une charia pour nous, dans ce cas-là, même si on disait même si on prend ce point de vue-là, il n'y a rien dans l'histoire de Youssouf a.s. pour supporter ou justifier les élections, puis le fait de rentrer dans le Parlement. Et on va montrer ça de plusieurs points de vue. Le premier point de vue, « النسبب دخولكم في الانتخابات هو حرصكم على الولاية بعكس ما طلبه يوسف عليه السلام فطلبه للمصلحة العامة. » Premièrement, vous rentrez dans les parlements, le chef il s'adresse au Ikhwan directement, il dit vous rentrez dans le parlement parce que vous aimez le pouvoir et que vous voulez le pouvoir. Contrairement à Youssef alayhi salam, il a demandé lui cette position-là, non pas pour avoir le pouvoir, mais parce qu'il voulait le bien général. Par révélation d'Allah, puis aussi parce qu'il voulait le bien pour tout le monde, pour qu'il y ait assez de nourriture pendant la période de famine. Exactement. Exactement. Et donc le cheikh il dit, قال الشيخ السعدي وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية وإنما هو رغبة منه في النفع العام وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه فذلك طلب من الملك فلذلك طلب طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض. L'imam al-Sa'di dans son tafsir, il dit à ce sujet-là que Youssef n'a pas demandé cette position-là parce qu'il voulait le pouvoir. Il l'a uniquement demandé pour le bien général des gens. Parce qu'il savait en lui-même qu'il avait les capacités nécessaires et qu'il avait l'honnêteté et qu'il était capable de préserver les biens de ces gens-là d'une façon que personne d'autre que lui n'aurait pu le faire. Et c'est pour ça qu'il a demandé au roi de lui donner cette position-là pour qu'il s'occupe des réserves de ce qui a rapport avec les récoltes de la terre, ainsi de suite. Et il mentionne les paroles d'Ibn Hajar al-Asqalani, on a déjà mentionné déjà cette référence-là, il dit « Bal, fi al-ta'bir bil-hirs, ishara ila man qama bil-amr inda khashyati al-daya' yakunu كمن أعطي بغير سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه. Donc il dit, si quelqu'un veut ou demande, si quelqu'un demande une position dans une situation où il craint que les droits et les biens des gens soient perdus et que il demande cette position-là pour arriver à faire en sorte que les biens soient préservés, et bien dans cette situation-là, c'est comme s'il prenait cette position-là sans même l'avoir demandé, puisque c'est un besoin et que c'est comme si en réalité il n'a vraiment pas ce but-là ou cette intention-là de vouloir le pouvoir, puisque c'est pour ce bien général-là qu'on en a besoin de lui, ou qu'il veut prendre cette position-là, non pas pour lui-même, mais parce que c'est une nécessité. C'est quelque chose de nécessaire, il n'y a personne d'autre que lui qui peut le remplir cette tâche-là ou remplir cette responsabilité-là. شوف إني قلت وهو شأن يوسف عليه السلام عند طلبه للولاية. أضف إلى ذلك هل عرفتم من أنفسكم الكفاية والأمانة والحفظ حتى تتصدون لطلب هذا الأمر العظيم؟ الشيخ إستفسته لقد يوسف عليه السلام هنا. lorsqu'il a demandé cette position là. il dit ensuite rajoutons à cela. est-ce que vous lorsque vous rentrez dans le parlement et que vous rentrez dans les élections est-ce que vous vous sentez au sujet de votre personne, que vous êtes prêt et que vous êtes apte et que vous avez les capacités et les aptitudes nécessaires à remplir cette chose-là, cette grande responsabilité-là. Hein? Et donc, s'ils disent oui, mais c'est une forme de tazkiyat al-nafs. C'est une sorte de, comme si ils sont en train d'une certaine façon de se glorifier ou de s'honorer eux-mêmes, de dire oui, de se vanter en fait. Après le cheikh il dit ثانياً كذلك يقال إن يوسف عليه السلام ممكن له قال تعالى إنك اليوم لدينا مكين أمين أما من يدخل في البرلمانات لا يكون ممكنا بل قوله خاضع للتصويت. Le cheikh il dit que يوسف عليه السلام il avait une position d'autorité, il était mis en position d'autorité, il était bien placé, hein, il avait une position ferme. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans verset 54 justement, aujourd'hui tu es certes bien établi et tu es fiable et honnête. Et donc ça prouve que Youssef avait une position et une parole d'autorité dans cette position-là. Et donc, ça c'est une différence, parce que quand quelqu'un rentre dans la démocratie ou rentre dans le parlement, même s'il est élu, même s'il rentre dans le parlement, il peut pas imposer à personne quoi que ce soit dans le parlement, puisque tout ce qui se passe dans le parlement c'est limité à au vote. Donc même s'il rentre, il n'est pas moumakkan, il n'a pas d'autorité, il est obligé de faire passer tout ce qu'il veut faire à l'intérieur du parlement doit passer par un vote. Moumakkan. Donc ça veut dire. Non, c'est ça. Et comme on expliquait justement. Exactement. Tu vois, non mais. Je pensais à ça. Vous voyez ouais, c'est un fantoche. Hein, un président fantoche. Comme on dit par exemple. Comme l'autre fois, je parlais avec un frère justement, puis ça m'a fait réfléchir à ce point-là. C'est qu'en réalité, comme les Ikhwan ils disent, comme Al-Qardawi il a dit par exemple, le plus important dans la démocratie, c'est qu'on peut choisir notre dirigeant. Et c'est pour ça, nous, qu'on est d'accord avec la démocratie, parce qu'on peut choisir qui on veut, qui va nous diriger. Et quand j'ai observé la situation, analysé la situation en discutant avec un frère l'autre jour, on est même venu à la conclusion que dans la démocratie, on ne choisit même pas notre dirigeant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, premièrement, quelqu'un qui se présenterait comme député indépendant, il n'a presque pas de possibilité d'être élu. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il faut donc rentrer dans un parti. Ce parti-là, nous, quand on vote pour un député dans notre circonscription ou dans notre comté, cette personne-là pour qui elle a voté, c'est pas lui qui va être au pouvoir. Lui, il va être juste un député dans la région où on habite, nous. S'il a le vote majoritaire, c'est lui qui va gagner, et qui va être élu et qui va être député. Mais ce député-là, il va être un des députés qui va être élu pour son parti. Et si le parti est élu en majorité, hein, c'est le représentant de ce parti-là qui va être au pouvoir. Et donc, nous, le chef de leur parti, c'est pas nous qui l'avons élu, c'est les membres du parti. qui ont élu ce représentant-là. Et si toi, tu n'es pas membre du parti, tu n'as aucun choix dans qui va être à la tête de ce parti-là. Hein? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, c'est pas toi qui choisis le chef du parti puisque t'es pas dans le parti. Et si tu votes pour ton député, c'est pas lui qui va être dirigeant. Il va juste être ton représentant pour la région où tu vis. Hein? Donc ça veut dire, en réalité, t'as pas voté pour le dirigeant. T'as voté pour un député qui représente, soi-disant, ce dirigeant-là, ou ce parti-là. Et donc, en fait, t'as pas vraiment le choix de qui est-ce qui va être élu. C'est comme par exemple, il y a très peu de gens qui analysent les idéologies des fondements de leur parti ou du parti pour lequel ils votent. La plupart des gens, ils ne se basent que sur les questions qui sont mentionnées par les médias, qui sont à la mode ou à la une, hein, comme l'économie ou bien la santé ou des trucs comme ça. Et là, ils regardent, par exemple, ah, ce parti-là, il dit ça, donc, et l'autre parti dit ça, donc nous on aime plus cette position-là que cette position-là, mais ils ne vont pas comme étudier les fondements du parti, puis c'est quoi leur idée, pourquoi ils sont différents des autres, ainsi de suite. Mais de toute façon, bon, tout ce qui est basé sur le faux, ben il est faux, de toute façon. Ensuite, le chef, il dit donc, que, donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Youssef, lui, il avait une liberté dans son autorité, et il pouvait imposer ou ordonner, il choisit qu'est-ce qui se passe dans son dans sa responsabilité. D'accord? Après, le chef dit ثالثا, نقول للدعاة الانتخابات, هل قدم يوسف عليه السلام تنازلا واحدا؟ Ça, c'est un point important. Il dit, est-ce que Youssef عليه السلام, il a fait un compromis quelconque en étant au pouvoir dans ce gouvernement-là ou dans cette responsabilité-là? Pas du tout. Il n'a pas fait aucun compromis. Hein? Tandis que, quand tu regardes les gens qui rentrent dans les parlements, puis dans les élections, parmi les Hizbiyyin, ils ne font que faire des compromis, tout le temps. Hein? Et le cheikh dit, « Al-jawab, ma'loumun li kulli man lahu aql, anna Yusuf lam yuqaddim ay tanazulat bi'aks al-hal fil musharakati fil nizam al-intikhabi, fal-tanazulat minkum kathira kullu dhalika jariyan wa hirsan ala al-wilaya. وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ Le chef, il dit donc qu'on peut voir la différence. Youssef a.s. n'a fait aucun compromis par rapport à la foi et la religion, tandis que vous, au contraire, les Ikhwan hein, et les Hizbiyyin, vous ne faites que faire des compromis à chaque fois. Et tout ça, c'est parce que dans le but de prendre le pouvoir et d'arriver dans la même quand ils prennent le pouvoir, ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas établir la charia comme ils le prétendent, parce que la preuve, ils ne font que suivre leur passion, ils appellent la liberté de croyance, la liberté de religion, ils ouvrent la porte à tous les mubtadi'a et à tous les kuffars, de faire ce qu'ils veulent, ils appellent à ce qu'ils veulent. Ils veulent juste le pouvoir, c'est tout. Hein? Au nom de l'islam, ils vont faire tous les compromis juste pour arriver à prendre la position d'autorité pour établir leur système à eux. Non, c'est Hassan al-Banna. Oui, c'est un soufi. Il a commencé ce groupe en 1927 en Égypte. Et Saïd Qutb, c'était un des porte-parole de ce groupe-là. C'est lui qui a été un des penseurs du groupe. Il a écrit plein de livres, puis mais il était bien entendu dans l'égarement. Les gens font de lui un imam de l'islam alors qu'il n'a jamais étudié l'islam avec un savant. Mais de toute façon, vous en avez plein de petits photos aujourd'hui. Tous ces jeunes-là qui sortent des universités des Koufars, ou bien qui sortent des universités qui ont étudié en je sais pas quoi, en sciences politiques ou en journalisme ou en autre, ils se prennent pour des savants de l'islam. Et puis, ils insultent les ulama, ils rabaissent les savants de la da'wah salafie. Et puis, ils les critiquent et tout. La plupart d'entre eux, c'est des gens qui ont été influencés par la voix de cette côte de ces gens-là. Bon, on va, Inch'Allah, s'arrêter ici. Puis, la semaine prochaine, on va continuer. On a fini presque le troisième chapitre. Avec les arguments détaillés, avec la suite, c'est pas maintenant, mais plus tard, peut-être dans quelques cours, on va voir les paroles de Az-Zindani et les arguments qu'il a amenés, puis les réfutations de ces arguments-là. Puis probablement aussi qu'on va peut-être prendre un peu de temps pour réfuter les paroles de Qardawi à ce sujet-là aussi. Donc il ne reste pas grand livre, grand place, grand. Hein?